toujours le même. Zoolander. Claquette. Leur instinct, c'est le bon Dieu. Toute la mer à Highlander. La crème. Hansley. Gas. Voilà pour Blair. Sur le terrain capuchin, à l'abri des sphères, on s'organise. Comme on peut trafic avec les rabatteurs, on piquera pas la chaîne. Ça fait le million, photo à la tienne, amateur. Grosse bécane, laisse les ch'tards à la traîne. On prend des risques parce qu'on n'a pas le choix, joue avec la mort. Elle t'écrase, tu fais pas le poids, la rue c'est pas ta mère. Elle t'épargne pas, c'est pas terre. La bicraft ça paye, contrairement à toi, tu suis pas salaire. Parce que toujours les mêmes crèmes d'être, j'tape toujours les mêmes galères. La rue c'est pas le football, tu fais une photo, t'y ta merde. Chacun pour sa peau, quand tu pètes, y'a plus de photo. Et ouais, la vérité ça blesse, comme un coup de couteau, on a les crocs. Postiché, on voit de sort de drogue. Y'a du shit, ça oui, des trucs cras. Pour les chlacs trop grands, craque d'un fuck. Au quartier, plus le temps de faire des détails. Dès que ça sale Hensha, sur un billet, je me bats en taille. J'suis pas là pour plaire, y'a que les vrais qui me comprennent. Et le flow jack, ça vit depuis pas au contraire. Les mains pleines de sang, j'ai tout baisé tout part. Qui me donne à manger, c'est pas ton père et c'est pas du bac. Colombienne, Rital, toi t'es maltec. Rami de Magnum en 20 minutes, j'ai toi t'es ma taille. Cousin, je m'en bats les couilles. Je réponds masqué chez moi. Les vrais inconnus arrivent bécane et casqué. Eh ouais, je pégais la tronçonneuse car y a trop de bâtons dans les roues. Y'a plus de traite au checks. Y'a de dans une bouche d'égout. Demande à you, c'est le zoo. Sauf que les barreaux sont haps, il pleut des averses de bip. Même pas dans les saisons sèches, dans mon zoo, c'est l'anarchie. Ça joue les tchés pour pas se faire chier. Tous munis de galettes, prêts à archer. Ça monte au galop, à la conquête du Khalis. Dans ce terrain, mes haps barrent en croisade comme les calibres. Frère, dans nos veines coule du sang conquérant. Comme nos ancêtres, tirailleurs, trop fiers pour lâcher le front. Chez nous, c'est plein de poux de chargeur et de canon. Et autant de traites, que de plans foreux qui mènent au ballon. Hablama, viens, tu peux faire un témoin, même si t'as le bras long. J'suis pas là pour plaire, y'a que les vrais qui me comprennent. Et le flow jack, ça vit depuis pas au contraire. Les mains pleines de sang, j'ai tout baisé tout part. Qui me donne à manger, c'est pas ton père et c'est pas du bac. Colombienne, Rital, toi t'es maltec. Ramène de Magnum en 20 minutes, j'ai toi t'es ma taille. Cousin, j'm'en bats les couilles, j'réponds au masqué chez moi. Les vrais inconnus arrivent bécane et casqué. Ok, la crime, claquette.